body, you know what it is. Cette rue accompagnée d'un individu, ça ne m'a pas plu, j'ai dû faire avec ce que j'ai vu. Elle a croisé mon regard, elle s'est dit qu'il faut que je l'évite, sinon il va m'avoir et je retomberai dans cette crise. Elle a voulu s'enfuir avec son petit ami, mais lui m'a grillé donc il veut rester ici. C'est mieux que tu lui dises de se barrer chez lui, parce qu'elle va retomber. Mon charme l'a troublé, et ça elle le sait. Elle était validée. Elle était validée. Elle était validée. Elle était validée. Elle était validée. Par tout le monde admiré, par les gants jalousés, par les boucles demandées. Tous ceux qui l'ont vu sont tombés des nues. C'est moi qui l'ai eu. Elle est trop stylée. Elle est bien coiffée. Elle est parfumée. Un peu Chanel Coco. Elle m'a aperçu. Elle est troublée. Elle a cru résister. Mais le charme de Mélo